Check it out, yo. Si l'amour m'abandonne, que le ciel me pardonne. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. J'existe à travers toi, je veux crier sous les toits, que personne ne l'ignore dans l'univers. Si l'amour m'abandonne, que le ciel me pardonne. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. J'existe à travers toi, je veux crier sous les toits, que personne ne l'ignore dans l'univers. Comme un bébé, tu es mon océan de joie. La seule raison qui fait qu'ici bas mon cœur bat. J'ai peine à croire que tu t'en ailles si loin de moi. Baby, tu vois, je n'aime plus toi. J'ai dérobé un coin de paradis pour toi. J'irai semer en toi un petit bout de moi. Un petit bout d'amour que le ciel bénira. Baby, tu vois, je n'aime que toi. Si l'amour m'abandonne, que le ciel me pardonne. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. J'existe à travers toi, je veux crier sous les toits. Que personne ne l'ignore dans l'univers. Si l'amour m'abandonne, que le ciel me pardonne. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. J'existe à travers toi, je veux crier sous les toits. Que personne ne l'ignore dans l'univers. Je comprends pas ce que t'as, mais qu'est-ce qui t'arrive? Girl, tu déconnes. T'as dit quoi là? Je vois comment tu te donnes. C'est quoi ton délire? Girl, tu déconnes. Me faire du route de temps avec tes cernes silicone. Je parle pas de silicone, n'importe quoi. T'as fumé ou quoi? Non mais vas-y, fais pas yesh, fais pas yesh. Oh là, vas-y, oh, dégage. Yeah, yeah, yeah, yeah. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que personne ne l'ignore dans l'univers. Tu es mon nom, señorita. Goûter à tes lèvres me ravit, señorita. Pas de m'imposer sur ton cœur, tu trouveras un bouquet de je t'aime parfumé, une seconde de joie. Ouais, ouais, tes mots me blessent, je ne peux pas retenir les larmes qui m'habitent, je ne peux pas inviter ma vie à sourire si tu t'en vas. Fidèle aux promesses, aux états d'âme, je crois en toi. Si l'amour m'abandonne, que le ciel me pardonne. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. J'existe à travers toi, je veux crier sous les toits. Que personne ne l'ignore dans l'univers. Si l'amour m'abandonne, que le ciel me pardonne. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. J'existe à travers toi, je veux crier sous les toits. Que personne ne l'ignore dans l'univers. Ange sirène, fleur de bonheur. Ma tombe dans le pas ainsi, légendaire de mon cœur. Vois l'immense souffrance et confiance. L'absence des turbulences, pas ta présence. Vive parmi les larmes, y'a quoi de mon cœur éclame. J'apprends le macadam, femme, allume-moi la flamme. Envie de rien depuis ton départ, je me l'en dis chaque fois. Je suis mon désespoir, va savoir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que personne ne l'ignore dans l'univers. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. Personne ne l'ignore dans l'univers. Si l'amour m'abandonne, que le ciel me pardonne. Désolé, je n'ai plus rien à faire sur terre. J'existe à travers toi, je veux crier sous les toits. Que personne ne